to Overdrive on Radio Dio. Why don't you Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, Devin Townsend et ce Baby Song, extrait de l'album Sin Castra. Ce soir dans Overdrive, il y a du nerf dans le tonnerre. Il y a du tonnerre dans le tonnerre. Avec, et on continue tout de suite avec un album live. Il s'agira du groupe Inglorious qui nous revient avec cet album live. Et le morceau qui ouvre le disque, ce sera Testify pour de l'excellent hard rock pour débuter dans Overdrive. We'll be right back. Yes, Inglorious, tout de suite dans Overdrive avec son dernier album Five, et le morceau qui ouvre le disque, c'était bien entendu Testify que vous venez d'entendre. Donc restez bien derrière votre tuner, dans votre rocking chair pour Overdrive. On aura encore une fois de l'excellente musique ce soir et on continue tout de suite avec ce bon vieux Udo Dirkschneider qui nous revient avec son Old Gang, et il est temps d'écouter la radio avec Time to Listen qu'on envoie tout de suite. Yes, vous venez d'entendre Dirkschneider avec son dernier album. C'était bien sûr Time to Listen. Ce n'est pas Udo, hein, c'est Dirkschneider and the Old Gang. Pour ceux qui seraient un petit peu perdus dans les différents projets que le chanteur, l'ancien chanteur d'Accept, a pu monter. On va continuer maintenant avec de nouvelles sorties de V-Records. Il s'agit de Patrick Ronda qu'on n'a pas vu depuis maintenant de nombreuses années, qui revient avec un nouvel album de guitare quasiment instrumentale. Ça s'appelle Escape from Shadows. Guitar hero français a connu quand même des, on pourrait dire, difficultés et d'un point de vue personnel ces dernières années. Et ben, il se libère ici un peu de tout ça avec un disque qui se veut assez personnel. On y retrouve bien entendu sa patte. On n'a pas vraiment l'ambiance d'un guitar hero, mais d'un voyage musical avec différentes atmosphères qui sont ici développées. Bien entendu, si vous êtes allergique à la musique instrumentale, je ne suis pas sûr que ce soit votre tasse de thé. Néanmoins, on a ici de quoi se ravir les esgourdes avec ce Escape from Shadows, qui est tout simplement un excellent voyage musical par Patrick Ronda. Thank you. Et vous venez d'entendre ce Patrick Ronda avec ce morceau titre, Escape from Shadows. Tout de suite, on reprend avec un autre groupe sorti sur V-Records. Il s'agira de Manigance qui nous sort un réenregistrement des premiers titres à la fois de leur toute première démo ainsi que de leur premier album et des premiers albums du groupe, reprise par la chanteuse actuelle, bien entendu le line-up actuel, Karine Pinto au chant. On est dans du très très bon hard rock, heavy metal, tendance un petit peu prog français. Et je vous propose d'envoyer tout de suite le morceau qui s'appelle L'ultime seconde, tout de suite sur Overdrive. Radio Dio, il est maintenant 22h, tout pile sur le 895, le 895 de Radio Dio. Manigance, extrait de leur dernier album, et ce sera L'ultime seconde. We'll be right back. l'ultime seconde. L'ultime seconde. Ultime seconde. Vous venez d'entendre The Last Legacy avec Isn't That Heavy sur le 895 de Dio et ce morceau Ambivalence pour du bon vieux hard rock. On continue et bon, peut-être qu'on clôturera cette partie de l'émission avec Herman Harbell and Friends. On l'a connu bien entendu en tant que batteur de Scorpions et du Michael Schenker Group. Herman Harbell and Friends, Love is a Battlefield. Love is a battlefield. Stéphane Rarbel tout de suite sur Overdrive et on continue maintenant avec ce groupe sorti sur MNO Music, ça s'appelle Speak in Whispers et on s'envoie I Am pour du gros gros son. Yes, Speak in Whispers, tout de suite avec I Am, une belle production, un petit peu industrielle sur les bords, qui va à ravir à ce morceau. On continue maintenant avec le groupe de Saint-Étienne, Chestertown. Ils seront du côté du Soggy Bottom ce dimanche le 8 juin pour les Stéphanois qui aimeraient prendre un petit verre au Soggy Bottom à 20h30. Voilà, je pense que pour les habitués de Saint-Étienne, ils connaissent cet endroit. Le groupe Chestertown qu'on avait eu dans l'émission, il sera présent et on va envoyer tout de suite un extrait de leur premier EP, trois titres qui s'appelle Blood Roots, et ce sera le morceau qui s'appelle Seven, qui a été enregistré sur des 7 cordes. Voilà, Overdrive tout de suite, Chestertown. We'll be right back. Yes, yes, Chestown. Vous les retrouverez ce soir, le dimanche 8 juin, du côté du Soggy Bottom de Saint-Étienne pour un petit show. Et là, c'était vraiment super, super cool. Mystic Circle qui nous revient avec un album de reprise. On y retrouve pas mal de choses du Bathory, les groupes fondateurs dans le métal extrême, également Celtic Frost et également un morceau de Maiden, un morceau de Maiden qui est un très très bon morceau, qui n'est certainement pas le plus connu, donc on n'est pas sur un Trooper ou quelque chose comme ça. Ce sera Afraid to Shoot Strangers, extrait de l'album Fear of the Dark, un morceau tout en ambiance ici, repris dans un côté un petit peu death metal mélodique, sauce années 90, et tout ça également pour annoncer le départ de la tournée de Maiden, le départ de la tournée Run for Your Lives de Maiden, donc tournée anniversaire que j'aimerais bien voir du côté de Paris au mois de juillet. Donc on va se faire un petit plaisir en avance. Je ne sais pas si ce morceau sera joué, je ne crois pas, mais en tout cas il devrait le faire. Afraid to Shoot Strangers par ici Mystic Circle. Thank you. Yes, vous venez d'entendre Midnight avec ce Cleveland Metal paru sur le label Metal Blade, du bon vieux thrash and roll ici, qui fait plaisir à entendre. Rock maintenant with Stardust Flowers pour Overdrive et une lente descente aux enfers. Et après cette longue plage musicale, on passe maintenant au titre Dustman par Rivers of Nile, extrait de leur album éponyme Dustman, tout de suite sur Overdrive Radio Audio. Voilà pour Rivers of Nile, et on va quasiment terminer Overdrive ce soir par un extrait du dernier album de Hate, c'est encore une fois sorti sur Metal Blade, un label qui a été vraiment mis en avant ce soir dans Overdrive, et ce sera le morceau The Vanguard tout de suite. Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdriveradiodio, les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud. On se dit la semaine prochaine, même fréquence, sur le 895 de Dio. Et on se quitte au son de Disneyland After Dark, Dawn, avec ce We All Fall Down. Ciao, bye bye. The door to your heart is still shut. A truck full of flowers ain't love. And sorry is not enough. A brain.